Perché se lo metti? Au travail, j'ai eu un locataire, un client, je sais pas comment on peut appeler, qui s'appelait Carbonara, Carbonaro, et je l'ai appelé Carbonara. Je me suis trompé, Monsieur Carbonara, Carbonaro. C'est bon les pâtes à la Carbonara, mais vraiment maison. Enfin, moi j'ai plus faim. Monsieur Justin, il paraît que tu chantes. Ça, c'est la Télécaster? C'est la Télécaster, celle-là? Ah non, tu me réponds pour le chant. La Prestige. Ibanez. C'est les guitares de. Guitare comme ça avec un trou là. Blanche. Enfin un trou. Une poignée pour la porter. Une Ibanez, elle a un trou. Elle coûte cher en plus. Une 300. On dirait que vous parlez de moto. Une Prestige. Que j'ai quitté. Le guitariste, il s'appelle Rudy. Vous allez voir sa guitare. Attends, contrôle. Voilà. Bon, c'est. J'étais dans ce groupe avant, à la place du bassiste. Je suis parti. Et à la droite, vous avez un mec qui fait un solo, c'est Rudy. Et il est, je crois bien qu'il a une Ibanez, si je me trompe pas. C'est une Ibanez de, comme, enfin j'en sais rien, je connais rien moi. Ah non, malheureusement pas encore. Je vais les voir en concert samedi à côté de chez moi, dans un petit resto. Se pinter la gueule et après on va se faire prendre le permis en sortant. Non, faire attention. Je vais vous faire voir une vidéo que j'avais fait avec eux. J'étais un peu à la ramasse hein. D'aller derrière là. Ça c'est une compo, c'est moi qui ai composé. C'est moi qui joue derrière la basse avec une. C'était une précision, je crois. Je dis vague. Et le chanteur s'appelle Mike. Le chanteur s'appelle Mike. Putain, j'étais maigre sur cette vidéo. Maintenant, je suis gros. Et Rudy, il joue sur une Ibanez, voilà. La guitare, non, c'est une Ibanez, ça, ouais. Mais c'est pas celle-là, là. il est pas mauvais, Rudy. Ouais, je veux bien écouter la Télécaster. Alors, je regarde s'il n'y avait pas une autre vidéo, il était avec la blanche, mais. Attends, celle-là peut-être, tu vois. Alors, on avait joué avec une gonzesse qui était bien mignonne. On avait fait une reprise dans un bar. Je suis derrière la basse, timide, avec mes lunettes. Et Rudy, on voit pas trop sa guitare. Pas mal, hein, la gonzesse. Mais le pire, c'est ça, vous allez voir. Benjamin à la batterie. Enfin, plutôt à la boîte à rythme. Alors là, je joue de la batterie, mais bon, c'est Poum Tchak avec ma Yamaha. Et on jouait dans la rue, là. Alors là, on avait une bassiste, une gonzesse bien sympa. On a fini la fête de la musique à 3-4 heures du matin dans un état un peu. Bref. Oh, tu iras voir ça. Vas-y, fais péter, Christine. Moi, j'ai pas de honte, je m'en fous. Il y a même un mec qui a pris mes vidéos, qui a fait un. Qui se foutait de ma gueule, mais je m'en fous, quoi. De toute façon, si tu mets des vidéos sur YouTube, tôt ou tard, on se foutra de ta gueule.